La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. Bonjour et bienvenue dans la tête au carré. Lorsque nous avons une décision à prendre, quand nous avons à faire preuve de discernement, nous ne sommes pas toujours aussi logiques et rationnels que nous le pensons. Nos raisonnements sont parfois influencés par la façon dont la question nous a été posée, par l'émotion que suscite un sujet. Nous pouvons aussi être induits en erreur parce que notre cerveau appréhende mal certaines probabilités ou sous-estime l'influence du hasard. Et ce ne sont là que quelques exemples de ce que les chercheurs appellent les biais cognitifs. Dans quelle mesure sommes-nous biaisés? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Vincent Berthet, chercheur en sciences cognitives et auteur de L'erreur est humaine chez CNRS Éditions. Pour lui adresser vos questions, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr. La une de la science avec Agnès Fèvre. Bonjour Agnès. Bonjour Daniel. Aujourd'hui, des nouvelles du sismomètre français CEIS sur le sol de Mars. Oui, c'était une mission hyper délicate de poser ce sismomètre sur la planète rouge et c'est fait. C'est lui qui devrait maintenant prendre son pouls, nous renseigner sur sa structure et surtout sur l'histoire de sa formation. On parle de tout ça dans un instant avec notre invité Philippe Laudet. Voilà pour le programme de cette tête au carré, réalisée par Clément Nouguier et préparée par Sophie Vaux. La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Daniel Fievé sur France Inter. Bonjour Vincent Berthet. Bonjour. Vous êtes chercheur en sciences cognitives et dans votre livre « L'erreur est humaine », vous vous intéressez aux limites de notre rationalité. Par exemple, c'est une des limites, hein, il y en a bien d'autres, nous avons tendance à accorder plus de poids aux informations qui confirment nos croyances, que nous pensons déjà. Ça a été démontré ça? Tout à fait, ça a été démontré par des chercheurs en psychologie et en économie. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Et c'est la tendance à confirmer ce que l'on a dans notre tête, nos opinions, nos croyances. Et c'est une tendance qui nous pousse à rechercher ces informations qui vont corroborer ce que l'on pense a priori. Et c'est un biais qui a des conséquences sociétales. Par exemple, les théories du complot qui prospèrent sur les réseaux sociaux reposent largement sur ce biais cognitif. Alors, c'est un exemple de biais cognitif. On le découvre en lisant votre livre. Ils sont très nombreux, nous sommes particulièrement biaisés. Ils sont très nombreux, c'est quelque chose que l'on prend de plus en plus conscience. Et aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience de ces tendances psychologiques. Alors on verra dans cette émission si ça nous rend aussi plus facilement manipulables, hein, ces biais cognitifs. Erreurs de raisonnement et biais cognitifs, on explore les limites de notre rationalité dans la tête au carré cet après-midi. Et pour adresser une question à notre invité, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook de la tête au carré. Et c'est le vent de Mars, hein, capté par le sismomètre CEIS qui vient d'être déployé sur la planète rouge. C'est ça qu'on entend actuellement. C'est à la une de la science aujourd'hui, Agnès Fèvre. Oui, au cœur de la mission InSight, hein, qui a quitté la Terre le 5 mai et s'est posée sur Mars le 26 novembre. Écoutez les vibrations du sol. Le sismomètre CEIS était donc l'instrument principal transporté par la sonde de la NASA. Il a été conçu en France par le CNES, le Centre National d'Études Spatiales. Et voilà donc le bébé lâché dans le désert froid et sec. Vous allez nous donner de ses nouvelles, Philippe Laudet, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur, astrophysicien et chef du projet CEIS, c'est donc le nom de ce sismomètre. Vous êtes avec nous en duplex depuis France Bleu Toulouse. Philippe Laudet, envoyer une mission sur Mars, c'est toujours assez angoissant entre le lancement, l'atterrissage, mais déposer un sismomètre, c'est encore autre chose. Et c'est historique? Oui, totalement. C'est-à-dire que on a déposé des sismomètres sur la Terre, évidemment, mais sur la Lune aussi avec les missions Apollo. Mais sur Mars, on n'avait jamais réussi. C'est la première fois. Sur la Terre, c'était en quelle année ? 1889. Oui. La Lune, 1969. Et là, on aura certainement les premières ondes sismiques captées d'origine naturelle sur Mars en 2019. Ça finit par D9, c'est joli. On avait essayé par le passé déjà d'installer un sismomètre sur Mars ? Oui, les missions Viking en 1975 des États-Unis, ils ont envoyé deux atterrisseurs. L'un, chacun portait un sismomètre sur le pont de l'atterrisseur, c'est-à-dire sur le petit plateau au-dessus des trois pieds. Il y en a un qui s'est jamais allumé et le deuxième s'est allumé et il a enregistré à peu près la même chose que ce que vous venez d'entendre par InSight, c'est-à-dire uniquement les mouvements du vaisseau causés par le vent. Donc c'était pas les ondes sismiques du tout et ça faisait un petit peu cher la station météo. D'accord. Donc on espère que ça va mieux marcher cette fois, Agnès. Oui, tout à fait. Et c'est une opération particulièrement délicate que vous avez suivie depuis le laboratoire de contrôle de Pasadena en Californie. Racontez-nous. Eh bien, le déploiement du sismomètre et l'enseignement tiré des missions Apollo, où ce sont des astronautes qui ont posé sur le sol le sismomètre, et ceux-là ont très bien fonctionné pendant jusqu'en 1977. L'enseignement des sondes Viking, c'est qu'il faut le mettre sur le sol, et là c'était pas fait. Mais pour le mettre sur le sol sur Mars, on n'a pas d'astronautes, c'est encore trop compliqué d'envoyer des gens là-bas. Donc en fait, on a un bras automatique qui prend l'instrument, qui le met sur le sol, et ça c'était une première pour la NASA, qui n'avait jamais déposé d'instrument sur une autre planète, de façon automatique. Mais quels sont les risques ? Les risques, c'est qu'à tout moment, il y a un mécanisme qui se bloque, quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est un bras automatique qui doit fonctionner en subissant moins 120 degrés le jour, plus 20 maximum, moins 120 la nuit, plus 20 maximum le jour. Donc l'électronique et les mécaniques n'aiment pas ça. On envoie les télécommandes. Et si on se pose difficilement, et si on est penché, parce qu'on ne maîtrise pas complètement le terrain sur lequel on va être, comment le bras va fonctionner ? Est-ce qu'il fait tomber le sismomètre qui va être suspendu au bout du bras ? Enfin, il y a plein d'interrogations. Et la moindre anomalie peut bloquer tout le processus et la mission est finie, quoi. Il suffit d'un tout petit caillou pour que tout capote, par exemple ? C'est exactement ça. On a regardé le terrain, c'est la première chose qu'on a regardé quand l'astronef s'est posé. On a été très soulagés de voir qu'on était sur quelque chose qui était relativement plat, avec peu de cailloux, mais en même temps, postérieurement, grand parking. Même, on pourrait dire, un bac à sable. Ah parce bon qu'on est sur une poche de sable, entouré de gros cailloux, et je crois qu'on a eu énormément de chance de se poser là. Quand vous dites de la chance, c'est-à-dire que on ne sait pas précisément où on va se poser, on ne peut pas savoir à l'avance sur quel terrain exactement on va atterrir? Alors exactement, non, on ne peut pas le savoir. Par contre, on en a quand même une idée précise, puisque on choisit les terrains d'atterrissage. Celui-là avait été choisi pour le fait qu'il était très plat, qu'il y avait peu de vent et qu'il y avait peu d'aspérité détectable par les orbiteurs qui prennent des photos de Mars depuis longtemps. Bon, mais une fois que vous avez fait ça, vous avez quand même une vitesse d'entrée qui est énorme, plusieurs kilomètres par seconde. Vous avez 7 minutes pour freiner et finalement, ça se traduit par quoi ? Par une zone probable d'atterrissage qui a une forme d'ellipse dans le sens d'arrivée du vaisseau. Cette ellipse fait quand même plusieurs kilomètres de long et plusieurs kilomètres de large sur son petit axe. Donc là-dedans, à l'intérieur de ça, vous avez quand même quelques cratères, quelques gros cailloux et vous croisez les doigts pour ne pas en toucher car vous ne savez pas a priori où vous allez vous poser dans cette ellipse. Ouais, les scientifiques de la NASA, il paraît d'ailleurs, appellent ces 7 minutes de descente la descente de la terreur, Philippe Aubert. Ouais, les 7 minutes de terreur, oui. Ouais. Et alors là, est-ce qu'il va bien, Seyss, vous l'avez allumé, il vous envoie des signaux, comment alors, ça se passe? Parce que vous avez quitté donc le laboratoire de contrôle juste avant Noël. Oui, je suis rentré passer Noël à la maison, puis je repars dimanche. Ouais, non, parce qu'on a des collègues du CNES et l'Institut de physique du globe de Paris, que vous n'avez pas cité tout à l'heure, qui est à l'origine de cet instrument et avec qui nous travaillons main dans la main. Et en fait, on les a laissés sur place. Donc, il y a une équipe A qui remplace l'équipe B et réciproquement. Moi, je vais passer le jour de l'an là-bas pour relever ceux qui vont. Voilà. Bref, tout ceci, je ne sais plus quelle était votre question. Est-ce qu'il va bien? Qu'est-ce qu'il doit faire là prochainement, oui, Seyss? Bon, la première chose qu'on a faite, c'est de l'allumer juste après l'atterrissage, alors qu'il était encore sur le pont, pour vérifier s'il avait survécu à l'atterrissage, qui est extrêmement violent. Et là, les signaux étaient très bons. Mais nos trois sismomètres les plus précis, ceux qui viennent justement de l'IPGP et fabriqués par la société Soderne, ne peuvent pas être totalement testés sur le pont. Il faut qu'ils soient sur le sol de Mars parfaitement à l'horizontale. Mais néanmoins, il allait bien. On l'a immédiatement réchauffé en allumant des réchauffeurs, puis est arrivé le moment du déploiement. Avec le bras, ça s'est fait le 19 décembre, on l'a posé sur le sol et la première chose qu'on a faite la semaine dernière, c'est de le re-allumer de la même façon qu'on l'avait fait une semaine avant sur le pont pour vérifier que ce déploiement ne l'avait pas abîmé. Et là, on a pu rallumer les réchauffeurs. Alors ça a l'air de rien les réchauffeurs, mais c'est que vous commandez le boîtier électronique qui est sous l'astronef, vous passez les signaux à travers ce grand câble qui contient 200 fils qui relient l'astronef au sismomètre lui-même. Donc ça implique tous les systèmes du sismomètre et donc ils ont fonctionné. Et les petits capteurs britanniques qui sont moins précis que les nôtres, mais qui eux peuvent être allumés même sans avoir remis à l'horizontale, ils ont marché sur le pont, c'est eux qui ont enregistré le bruit que vous venez d'entendre, mais là on a vérifié et ils marchent toujours. Donc ça veut dire que le sismomètre semblerait ne pas avoir souffert du tout du déploiement. Pour le moment, tout se passe parfaitement bien. Agnès ? C'est un sans faute, oui. Ouais. Le géophysicien Philippe Lognonnet, qui est l'architecte de SAIS, dit dans la presse, avec ce sismomètre sur le sol de Mars, c'est comme tenir un téléphone près de son oreille. Qu'est-ce que vous cherchez à connaître sur Mars en priorité, Philippe Laudet ? L'intérieur de la planète, que personne ne connaît. Actuellement, c'est l'inconnu la plus totale, pardon. Ouais, c'est-à-dire On sait sur la Terre qu'il y a un noyau, un manteau, une croûte, on le sait parce qu'on a mis des sismomètres et puis qu'on a écouté tous les tremblements de terre qu'il y avait, et comme une échographie écoute les ondes sonores, les sismomètres écoutent les ondes sismiques et reconstituent l'intérieur, et artificiellement on reconstitue une image. C'est exactement la même, c'est un parallèle. Sur la Lune, on l'a fait aussi, mais sur Mars, pour l'instant, on a, entre guillemets, fait que gratter la surface avec Curiosity, avec d'autres expériences, on étudie la chimie de la surface. Comme les échantillons que les astronautes de la Lune ont ramenés. C'est très complémentaire. Il faut faire les deux. Il faut étudier la chimie de la surface, mais il faut aussi connaître l'intérieur pour comprendre comment cette planète s'est structurée, comment elle a fonctionné, comment son moteur a fonctionné. S'il y avait un champ magnétique, on sait qu'il y en avait un sur Mars, mais il est mort aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait des éruptions volcaniques? Il y en avait sur Mars, il n'y en a plus aujourd'hui. Il y avait de l'eau liquide à sa surface, on le sait en étudiant la croûte, enfin les échantillons de surface, mais cette eau liquide n'est plus visible sous forme liquide. Il n'y en a plus, elle a disparu, l'atmosphère a également changé. Pourquoi sur la Terre ça tient toujours? Pourquoi sur Mars ça a disparu au bout d'à peu près 1 milliard d'années, c'est-à-dire il y a environ 3 ou 4 milliards d'années par rapport à l'origine de notre système solaire? Mars est né en même temps que la Terre. Elles se ressemblaient furieusement au début, malgré leurs différences de taille et puis la petite différence de distance par rapport au Soleil. Mais aujourd'hui, très rapidement, au bout d'un milliard d'années, Mars est devenu ce désert glacé qu'on voit aujourd'hui. Donc pourquoi ce moteur s'est grippé sur Mars? Pourquoi il n'est pas grippé sur Terre? C'est en connaissant l'intérieur qu'on aura un éléments qui permettront aux géologues de comprendre ce qui s'est passé. Ça s'annonce passionnant. Merci Philippe Laudet. Je rappelle que vous êtes ingénieur astrophysicien et chef de ce projet SAIS. J'espère qu'on aura de vos nouvelles et de ces nouvelles de ce sismomètre très bientôt. À bientôt. Merci. Et Agnès, à demain. À demain. En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, il y a 125 000 ans, la Terre a connu un changement climatique naturel qui a eu d'importantes répercussions à l'ouest de l'Antarctique, côté pôle sud. Donc, une calotte glaciaire géante a fondu. Des scientifiques de l'Université de l'Oregon viennent d'établir que cet événement est à l'origine de la montée du niveau des mers de 6 à 9 mètres sur la planète. Cette parenthèse de chaleur entre deux périodes glaciaires peut-elle être comparable au réchauffement climatique actuel? Les glaciologues l'envisage, observant avec inquiétude la hausse des températures des océans. Depuis 25 ans, plus de 3000 milliards de tonnes de glace de l'Antarctique ont fondu et la perte de glace a triplé ces 10 dernières années. Ce phénomène est un des facteurs les plus importants de l'élévation du niveau de la mer. Nouvelle prédiction sur la disparition des anneaux de Saturne. La NASA leur donne encore 300 millions d'années, tout en estimant qu'ils seraient déjà vieux de 100 millions d'années. Ces anneaux qui rendent Saturne si reconnaissable se désintègrent progressivement. Ils sont composés principalement de poussière de glace, matière qui peut se charger en électricité. Résultat, ces poussières sont captées par le champ magnétique de Saturne, phénomène que les scientifiques nomment poétiquement la pluie des anneaux. On termine avec une étonnante découverte concernant Anolis oxylophus, un lézard qui vit en Amérique centrale et qui est connu pour rester longtemps sous l'eau, très longtemps, jusqu'à 15 minutes. Les scientifiques se disaient jusque-là que ce saurien était un excellent apnéiste, mais des biologistes viennent de découvrir en le filmant qu'il utilisait une stratégie lui permettant de respirer sous l'eau. L'animal utiliserait une bulle située au sommet de sa tête comme bouteille d'oxygène. C'est la première fois que ce phénomène est observé chez un vertébré. Dans un instant, on s'intéresse aux limites de notre rationalité dans la tête au carré. Excellent après-midi sur France Inter. Un météorite m'a percé le cœur. Vous sur la terre, vous avez des docteurs. Une transfusion de mercure. J'en ai tant perdu par cette blessure. Combinaison spatiale. Retirez-moi cette poussière sidérale. Faut à tout prix rejoindre mon amour dans la galaxie. C'était Contact de Brigitte Bardot sur France Inter. La tête au carré, Daniel Fievé. Répondez mentalement à ces quelques questions. Combien est-ce que j'ai de doigts dans une main? 5. Dans deux mains? 10. Dans 10 mains? 100. 10 fois 10, ça fait 100. Dans 10 mains, il y a 100 doigts. Vous voyez, c'est facile, hein? Oui, c'est facile, sauf que dans 10 mains, il n'y a pas 100 doigts. Dans 10 mains, il y a 50 doigts. Eh oui, 10 fois 5, 50, vous pouvez vérifier, hein. C'est ça, un biais cognitif. Alors, je ne sais pas pourquoi on répond 100. Peut-être qu'on se dit 5, 10, 100, voilà, je sais pas. Et quand on constate qu'on s'est fait avoir, c'est surprenant. C'est même peut-être un peu douloureux. Un peu comme si une partie de notre cerveau prenait en faute une autre partie de notre cerveau. Extrait de la chaîne YouTube 321 Pensée avec cet épisode qui s'intitule « C'est quoi un biais cognitif ?». Nous explorons notre part d'irrationalité dans la tête au carré cet après-midi avec Vincent Berthet, chercheur en sciences cognitives à l'Université de Lorraine et au Centre d'économie de la Sorbonne, auteur de « L'erreur est humaine » chez CNRS Éditions. Nous manquons, Vincent Berthet, parfois de logique dans nos comportements, dans la vie de tous les jours. Dans l'exemple que l'on vient d'entendre, qu'est-ce qui explique qu'effectivement on fasse cette erreur de calcul, qu'on soit tenté de répondre 100 plutôt que 50 ? C'est une tendance de l'esprit qui consiste à utiliser l'intuition plutôt que la raison. C'est ce que le psychologue Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie en 2002, a théorisé sous le nom de la théorie du double système, le système 1 versus le système 2. Le système 1, c'est globalement ce qui correspond à l'intuition. C'est le mode de pensée rapide, intuitif, qui nous donne une solution de façon rapide. Le système 2, en revanche, c'est la raison, donc c'est le fait de réfléchir de façon poussée, approfondie. Et dans l'exemple que l'on vient d'entendre, le biais cognitif en question, c'est le fait d'utiliser son système 1, son intuition, ce qui nous donne une réponse rapide, mais qui en l'occurrence est fausse. Mmh. Alors ce système 1 et ce système 2, ce sont des schématiques, c'est une façon de penser, mais il n'y a pas clairement dans notre cerveau identifié le système de l'intuition et le système de la réflexion. C'est évidemment organisé différemment dans la tête. Exactement. C'est une métaphore, c'est une représentation. Si on ouvre un cerveau, effectivement, on ne verra pas un système 1, un système 2. On verra deux hémisphères, on verra des lobes, etc. Mais c'est une bonne façon d'appréhender le fonctionnement de l'esprit, c'est-à-dire comment les caractéristiques fonctionnelles de l'esprit humain. Ouais. Est-ce qu'on a à gagner, du point de vue évolutif, d'avoir aussi cette intuition qui nous fait réfléchir un peu vite et du coup parfois nous tromper, mais au moins on économise aussi de l'énergie et du temps. Et ça peut être précieux, en tout cas au cours de l'évolution, ça nous a servi certainement. Exactement, si on fonctionne de cette façon à l'heure actuelle, c'est parce que cette propriété présentait des avantages adaptatifs à un moment donné dans l'évolution de l'espèce humaine. Et effectivement, la question c'est celle du compromis entre l'effort et la précision. Le système 1 est moins précis que le système 2, mais en revanche, il est nettement moins coûteux. Donc, c'est un système qui est viable la plupart du temps. Alors, nous manquons parfois de logique dans nos comportements, de la vie quotidienne. Vous racontez une anecdote vécue dans votre ouvrage. Vous étiez encore étudiant à cette époque, mais c'est du vécu. Vous prenez le bus, deux étudiantes montent à bord, et puis à leur station, elle refuse de descendre. Pourquoi ? Parce qu'elle venait d'acheter leur ticket juste avant. Et c'est ce qu'on appelle, c'est ce que les économistes appellent le biais des coûts irrécupérables. Un autre exemple concret, c'est vous achetez un ticket de cinéma et vous vous installez. Et puis au bout de 10 minutes de film, vous vous rendez compte que le film est très ennuyant. La plupart du temps, les gens vont faire le choix de rester dans la salle, même si le film est ennuyant. Pourquoi ? Parce qu'on se dit, j'ai payé ma place, je peux pas partir au bout de 10 minutes. Mmh. C'est une décision irrationnelle. Oui. C'est un peu la double peine. C'est-à-dire que non seulement on a payé, mais en plus on regarde un film qui nous intéresse pas. Mais comme on ne veut pas perdre l'argent que l'on a déjà dépensé, exactement, on reste jusqu'au bout. Et là, en l'occurrence, ces deux étudiantes ne descendaient pas à leur arrêt parce qu'elles avaient un ticket qui leur permettait d'aller plus loin. Et du coup, elles se sont dit, on a payé, donc on en veut pour notre argent. Et elles n'ont pas descendu là où elles avaient besoin de descendre. Où elles auraient dû descendre. Et parce que du coup, c'est ça, c'est la double peine. C'est non seulement elles ont payé leur ticket, et en plus, elles descendent plus loin que l'arrêt où elles étaient censées descendre. Mais ça, mine de rien, ça a l'air anecdotique, mais les chercheurs se sont interrogés là-dessus et ils se sont rendus compte que leur modèle était parfois faux parce que eux avaient tendance à modéliser l'humain, l'individu humain comme un être rationnel qui prenait toujours des décisions logiques et cartésiennes. Or, dans les faits, ça n'est pas le cas. Donc du coup, après, on a des mauvaises prédictions quand on essaye de faire des prévisions, quand on est en sciences économiques et sociales, par exemple. Oui, les chercheurs, les scientifiques, d'une façon générale, partent d'une représentation de la réalité. Et pour les économistes, en l'occurrence, c'était partir d'une représentation de l'individu. Donc il fallait un modèle de l'individu. Ce modèle, c'est ce qu'on a appelé l'homo economicus, un agent rationnel qui prend des décisions optimales. Les économistes disent qu'il maximise son utilité. Mais les chercheurs en sciences sociales, à partir des années 50, se sont rendus compte que cette représentation de l'individu, l'homo economicus, était beaucoup trop approximative et non réaliste pour comprendre les phénomènes et les comportements réels. Trop cartésienne, c'est-à-dire que... Trop cartésien, ouais. trop rationnel pour représenter de façon adéquate l'individu réel. Alors, il y a d'autres éléments qui peuvent influencer notre façon de penser, notre façon de raisonner. L'émotion aussi, nous sommes très, très sensibles à ce que nous ressentons. Vous donnez cet exemple assez connu maintenant, mais du World Trade Center. Au moment de l'attentat du World Trade Center, on a observé que moins de gens ont pris l'avion pendant un moment. Or, ce n'était pas le comportement le plus rationnel. Non, ça n'était pas le comportement le plus rationnel parce que ce que ignorent beaucoup de personnes, mais c'est bien normal parce que c'est une statistique qui est peu connue, mais l'avion est un moyen de transport beaucoup plus sûr que la voiture. Mais sous l'effet de la peur, de nos émotions, nous avons tendance à nous laisser influencer et à prendre nos décisions sous l'influence des émotions plutôt que sous l'influence de la raison. Et parfois, ces influences sont même inconscientes. Il y a des informations qui nous parviennent et dont nous n'avons même pas conscience de les avoir perçues. Il y a un exemple dans votre livre, on va prendre le temps de le raconter. Alors, c'est un monsieur, c'est une expérience faite sur un monsieur qui souffre d'une hémi-négligence visuo-spatiale. En clair, il ne perçoit que la moitié de son champ de vision, que ce qui se trouve à droite, et il ne voit pas du tout ce qui se trouve à gauche. Je vous laisse raconter la suite de cette expérience. Exactement, donc ce patient hémi-négligent, donc n'a pas conscience de la partie gauche de son champ visuel parce qu'il y a une section du corps calleux donc qui relie les deux hémisphères cérébraux. Et lorsque on présente une information, un objet par exemple, dans le champ visuel dont ce patient n'a pas conscience, les expériences neuropsychologiques montrent qu'en fait ce patient, le cerveau de ce patient traite quand même l'information. Mmh. Et on peut s'en rendre compte en lui posant des questions. Le patient va dire qu'il ne voit pas ce qu'on lui a présenté, mais en revanche, son comportement ne laisse aucun doute sur le fait qu'il a bien traité l'information. Alors, l'exemple que vous donnez dans le livre est particulièrement frappant. Il a devant lui des dessins de maisons dont la fenêtre gauche est en flammes, et on lui demande de redessiner les maisons qu'il a devant lui. Comme il ne voit pas la fenêtre en flammes, il dessine des maisons identiques, sans jamais représenter la fenêtre en flammes, qu'elle soit ou non présente sur le dessin qu'on lui montre. Et ensuite, quand on lui dit dans quelle maison vous auriez envie d'habiter, il indique préférentiellement la maison qui n'a pas de flammes aux fenêtres, alors qu'il ne l'a pas dessinée. Donc son cerveau n'a pas conscience des flammes, mais la décision a quand même été influencée. La décision a été influencée par une information dont il n'a pas conscience, et c'est ce qu'on appelle ce genre d'expérience met en évidence le phénomène qu'on appelle les influences implicites subliminales, c'est-à-dire les éléments qui nous influencent sans qu'on en ait conscience. Alors, vous citiez en introduction de l'émission aussi ce biais de confirmation qui fait que nous regardons tout avec le prisme de nos croyances et des convictions que nous avons déjà acquises. C'est-à-dire que on va avoir tendance à finalement prendre les éléments qui nous confortent dans ce que nous pensons et ce que nous croyons. Ah oui, c'est un biais qui est très prégnant et qui aujourd'hui a des conséquences sociétales tout à fait non négligeables. En l'occurrence, les théories du complot, qui est un sujet d'actualité, les fake news, reposent très largement sur ce biais cognitif. Et les réseaux sociaux, en fait, ont donné une ampleur toute particulière à ce phénomène. Dans les biais, il y a aussi, alors celui-là m'a surpris, ce biais que vous mentionnez, parce que j'ai l'impression quand même que beaucoup de gens se disent « je manque de confiance en moi, je n'ai pas très confiance en moi » et vous dites pourtant « nous sommes nombreux à souffrir du biais d'excès de confiance en soi », c'est-à-dire ? Le biais d'excès de confiance en soi, c'est un des biais qui nous pousse à surestimer nos capacités, nos jugements. Par exemple, une enquête célèbre avait montré que entre 75 et 90% des conducteurs pensent être meilleurs que le conducteur moyen. Ce qui est logiquement et statistiquement impossible. Et oui, c'est le même biais qui pousse des investisseurs à croire qu'ils peuvent battre le marché, les marchés financiers. Mm-hmm. Ce qui est une erreur. Les travaux en finance dans les années 70 ont montré que le marché est efficient et qu'on ne peut pas battre le marché à long terme. Mais beaucoup d'investisseurs pensent qu'ils vont échapper à cette règle et qu'ils vont réussir à battre le marché. Certainement aussi ce qui fait qu'on joue dans les casinos, alors qu'on connaît la règle du jeu, a priori, c'est le casino qui gagnera à la fin. Alors, ces biais cognitifs font-ils de nous des êtres facilement manipulables? C'est ce que nous allons voir dans la suite de La Tête au Carré. Et pour adresser vos questions à notre invité, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr. Sobre, je m'isole pendant des heures. Info, désordre, tu me manques déjà. Le silence résonne, l'avenir nous sépare. T'en fais des tonnes, un grand écart. L'avant, demain, l'argent, les uns. Ses yeux, ses seins, le mieux, le bien. Mon pas, c'est simple, des pas, c'est ça. Le faire part, message, rentrer chez soi. Happy end, massage, les filles n'aiment pas ça. Le papier, mâché, mes adieux. Bâclé, je t'ai vu, tweeter, en ville, t'éclat. Single, fruité, le bruit de la bécane. Les gens là-bas demandent de l'aide. Je n'en ai pas, cœur porcelaine. Danser en bas du bat, penser jamais te revoir. Interpréter, théâtre raté. Conscient, j'accuse, porno sans sucre. Salade de peur, j'atteins, je meurs. En garde à vue, au fond du cœur. H24 au bord, falaise. Les gendarmes en caoutchouc. Révolution, pomme d'amour. Offrir fleurs, réveil en sueur. Écran d'accueil au paradis. Moteur de recherche des sentiments. Rire à nos drames plus gentiment. Orgasme, erreur, retard, des pleurs. Nouvelles insultes à inventer. Au bonheur de la maladresse. J'ai cru en moi dans la paresse. J'ai joué des femmes qui tuent des hommes. Sérigraphie, mes idées folles. Patinage sur eau de mer. Au bal masqué, robot de verre. De l'art, douleur, dollar, de l'heure, divers couleurs. jamais je t'aime, l'effet de la cocaine il est là, je vous jure un mauvais coup sur baptisé, chaussure attisée, la N6 dans la voiture, wesh qu'est-ce, ça fait rien sur le testament, un pro haut, talent pételé, phalange, faire un câlin, ça va passer, du calme, allez, ma patte, arty, les teens, s'affole, les frères haut, carpla mon empire, capla, héroïne, bas de gamme, autotune, macabre, bain de douleur, timbrel, SD, drôle de rougeur, MST. C'était Puzzle de Columbine. La tête au carré. Le magazine scientifique de France Inter. Daniel Fievé. Invité de la tête au carré cet après-midi, Vincent Berthet, chercheur en sciences cognitives et auteur de L'erreur est humaine chez CNRS Éditions. Nous découvrons avec vous à quel point nos raisonnements peuvent être biaisés et manquer de rationalité. Nous nous laissons d'ailleurs facilement tromper par les probabilités. Vous revenez beaucoup sur les statistiques et la façon dont on les perçoit. Finalement, intuitivement, on se plante souvent. On se plante souvent en matière de probabilité. Je donne plusieurs exemples dans le livre. Un exemple très concret sur les paquets de cigarettes. Un message indiqué « fumer provoque 9 cancers du poumon sur 10 ». C'est ce qu'on appelle une probabilité conditionnelle. Et en l'occurrence, c'est pas la bonne probabilité conditionnelle parce que ça nous dit que sur 10 personnes qui ont un cancer du poumon, 9 étaient fumeurs. Mmh. Autrement dit, c'est la probabilité d'être fumeur, sachant qu'on a un cancer du poumon. Mais ce qui intéresse les fumeurs, c'est la probabilité conditionnelle inverse. C'est celle d'avoir un cancer, sachant qu'on est fumeur. Mmh. Mais la plupart des gens assimilent ces deux probabilités et se disent, si je continue de fumer, j'ai 90% de chance d'avoir un cancer. Et c'est fait pour ça, hein. C'est effectivement pour qu'on l'entende de cette manière. Or, finalement, le pourcentage de risque d'avoir un cancer du poumon quand on fume est bien inférieur à celui-là. Inférieur à 10%. Ouais. Mais bon, c'est vrai que dans le cadre de la prévention, On ne va pas leur en vouloir de jouer un peu avec les statistiques, c'est un peu ce que font dans un registre beaucoup plus léger les publicitaires quand ils nous disent pour le loto 100% des gagnants ont tenté leur chance. Là, ils grossissent tellement le trait qu'on voit un peu plus la subtilité quand même. Alors, vous faites aussi référence dans votre livre à un jeu télévisé américain, Let's Make a Deal, jeu qui a été mis en scène dans le film Las Vegas 21. Ben, vous participez à un jeu télévisé et on vous donne la possibilité de choisir entre 3 portes différentes, d'accord ? Derrière l'une des 3 portes, il y a une voiture neuve, derrière les 2 autres, des chèvres. Quelle porte choisiriez-vous, Ben ? Porte numéro 1. Porte numéro 1. Ben choisit la porte numéro 1 et là, l'animateur de jeu télé, qui soit dit en passant, sait ce qu'il y a derrière chacune des 3 portes, décide d'ouvrir une autre porte, disons qu'il choisit la numéro 3, derrière laquelle se trouve une chèvre. Ben, est-il dans votre intérêt de changer de choix ? Oui. Ma réponse est basée sur les statistiques, sur les changements de variables. Les changements de variables, mais il n'a fait que vous poser une question. Oui, qui a changé toute la donne. Éclairez-nous. Quand on m'a demandé de choisir une porte, j'avais 33,3% de chance de faire le bon choix. Mais après qu'il a ouvert l'une des portes et ensuite qu'il m'a reproposé de choisir, ça fait 66,7%. Si je décide de changer. Alors oui, je prends la porte numéro 2 et merci pour ce bonus de 33,3%. Exact. Si vous ne savez pas quelle porte ouvrir, prenez toujours en compte les changements de variables. La plupart des gens refusent de changer par paranoïa, peur, émotion. Mais Monsieur Campbell a mis les émotions de côté et il s'en est remis au mat pour poser ses fesses dans une belle voiture neuve. Extrait du film Las Vegas 21. Alors c'est un peu dur à suivre comme ça, mais est-ce que le raisonnement de ce candidat est le bon, Vincent Berthet ? Oui, c'est le bon. Quand le présentateur nous propose au candidat de conserver son choix de départ, c'est-à-dire la porte qu'il a choisie, ou d'échanger, on pense que ça change rien parce qu'il y a une chance sur deux. Ouais. Donc la majorité. Il reste plus que 2 portes, une avec une chèvre derrière, une avec une voiture. Donc on se dit il a une chance sur deux. Il y a une chance sur deux et on pense donc du coup là. La plupart des candidats choisissent de garder leur choix initial parce qu'ils pensent qu'il y a une chance sur deux. En fait, le raisonnement présenté dans le film est bien le bon, puisque on a une chance sur 3 de choisir la voiture au départ, et donc 2 chances sur 3 de choisir une porte qui cache une chèvre. Et si on a choisi une porte qui cache une chèvre et qu'on change notre choix, on gagne de façon automatique la voiture. Donc il y a bien 2 chances sur 3 de gagner la voiture si on change son choix. Mais tout ceci est contre-intuitif parce que on le biais cognitif consiste à rester centré sur le contexte de je change ou je conserve, et donc ce qui nous mène vers le schéma une chance sur deux. Alors, ce qui est rassurant ou pas d'ailleurs hein, dans votre livre, on se rend compte que c'est pas uniquement une question d'éducation ou d'avoir fait des études, d'avoir travaillé les sujets avant, puisque vous dites des médecins, des juges qui doivent justement rendre des jugements et qui ont intérêt à appréhender toutes ces statistiques le plus finement pour rendre un jugement exact, se laisse aussi très facilement avoir par la façon dont les statistiques leur sont présentées. Tout à fait. Un des messages du livre est que l'erreur est humaine, et l'erreur est humaine pour tous les humains, y compris les experts, les juges. Il y a des erreurs judiciaires célèbres fondées sur une mauvaise compréhension des probabilités. Les médecins commettent également des erreurs parce que dans des cas particuliers où on doit traiter l'information d'une façon particulière, eh bien, si on n'est pas entraîné, en dépit du fait d'être un expert, eh bien, on va commettre une erreur. Alors les experts, d'ailleurs, vous leur taillez un peu un costard à ces experts qui sont souvent capables de nous expliquer après coup pourquoi la crise a eu lieu, mais qui ont eu beaucoup de mal, voire ne l'ont pas du tout vu venir avant. Et ça, c'est lié à un autre biais cognitif, notre capacité, mais qu'on a tous, à se raconter des histoires. On nous rapporte deux faits qui peuvent être des coïncidences, qui peuvent ne rien avoir l'un avec l'autre, et nous, on tisse une histoire. On veut mettre de la cohérence dans ce qui nous entoure. C'est ce que j'appelle le storytelling mental. C'est le fait que le cerveau est un excellent storyteller, c'est-à-dire une machine à fabriquer du sens. Quelles que soient les informations dont on dispose, on va chercher de façon naturelle à produire une histoire qui fait du sens. Et cette tendance est à la fois à l'origine, ce qui nous fait chercher pourquoi un accusé a commis son crime, pourquoi la crise s'est produite. Et parfois, dans cette recherche de sens, eh bien, on produit des explications qui sont tout à fait erronées, parce qu'on saute aux conclusions et on produit des explications qui sont fausses. Oui, on voit des liens de cause à effet qui ne sont pas des liens de cause à effet. Un exemple que vous donnez, une étude concluait que les enfants myopes, que ceux qui avaient une veilleuse devenaient myopes. C'est-à-dire que si on mettait une veilleuse aux enfants, ils avaient tendance à par la suite développer une myopie. Or, il fallait de cette étude conclure bien autre chose en réalité. Exactement. En fait, c'est une étude qui avait été publiée dans la revue Nature et qui montrait une corrélation entre le fait de dormir avec une veilleuse la nuit chez des enfants en bas âge et le fait de développer une myopie ultérieurement. Et dans ce genre de cas de figure, on transforme la corrélation en causalité, c'est-à-dire qu'on pense que c'est la veilleuse qui provoque d'une façon ou d'une autre la myopie. Et en l'occurrence, le schéma était un petit peu plus complexe. C'était la myopie des parents qui causait à la fois le fait de mettre une veilleuse pour ses enfants, et qui, bien sûr, par hérédité, provoquait la myopie de leurs enfants ultérieurement. Donc, une même cause avait les deux mêmes effets, c'est-à-dire que c'était les parents myopes qui utilisaient des veilleuses et qui, en même temps, avaient transmis la myopie à leurs enfants. Il n'y avait pas de lien entre la veilleuse et la myopie des enfants, pas de lien direct. Alors, le fait d'avoir tous ces biais cognitifs, à quel point ça nous rend facilement manipulables ? Alors c'est une question qui est très délicate, qui est fondamentale, parce que elle aussi recouvre des enjeux sociétaux importants. C'est la question de l'éthique de l'influence. Nous sommes victimes de biais cognitifs, ce qui nous rend vulnérables à tout un tas d'influences. Et la question, c'est dans quelle mesure on peut exploiter ces ouvertures pour influencer le comportement des personnes. Parfois, dans certains cas, c'est une bonne chose. On prenait l'exemple tout à l'heure des messages sur les paquets de cigarettes qui exploitent notre incompréhension, notre mauvaise compréhension des probabilités. Dans ce cas-là, on pourrait dire que la fin justifie les moyens, que c'est une cause noble et louable. Dans d'autres cas, notamment lorsqu'il s'agit d'acteurs privés, d'entreprises, l'industrie de consommation, l'influence des comportements est beaucoup plus questionnable. Oui, c'est ça, parce qu'on s'en sert dans le management, dans la publicité, et on s'en sert aussi de plus en plus dans la façon de gérer des politiques publiques. Plutôt que de légiférer, de mettre des amendes, on se dit, si on influençait subrepticement la population sans même qu'elle s'en rende compte. Il y a certains pays où on le fait de plus en plus. C'est ce qu'on appelle les nudges, ce qu'on pourrait appeler en français les coups de pouce. Et c'est ce qui a été mis en œuvre par le gouvernement de David Cameron dans les années 2010, avec comme conseiller Richard Thaler, qui a eu le prix Nobel d'économie en 2017, et qui a proposé cette théorie qu'on pouvait influencer les comportements des citoyens par une alternative autre que l'information, la législation et les incitations économiques. Et les nudges consistent à exploiter, avec beaucoup de guillemets, les défaillances de la rationalité. Ouais. Alors, les défaillances ou les réflexes, hein, la notion de nudge a été popularisée par Richard Thaler, qui est prix Nobel d'économie 2017. Je lui laisse le soin de vous présenter un exemple de nudge devenu célèbre. Il semblerait que les hommes, quand ils font leurs besoins, ne sont pas totalement concentrés sur leurs tâches. Mais si vous leur donnez une cible, ils vont la viser, automatiquement. D'où la brillante idée de l'aéroport d'Amsterdam. Peindre une fausse mouche au fond de l'urinoir des toilettes des hommes. L'image est très réaliste. On dirait une vraie mouche, juste à côté du fond de l'urinoir. Et selon le personnel de l'aéroport, les éclaboussures ont été réduites de 80%. Vincent Berthet, c'est un exemple intéressant parce qu'on ne va pas légiférer, ce serait compliqué de mettre des amendes sur ce genre de problème. Et là, avec un petit détail, on modifie de façon très significative un comportement. On modifie un comportement de façon, avec un dispositif peu coûteux. On a gravé une fausse mouche au fond des urinoirs. Et cependant, on obtient des bénéfices non négligeables. Mmh. La légende dit que dans cet aéroport d'Amsterdam, les frais de nettoyage ont été réduits de 80%. Bon, ça paraît énorme quand même, mais la légende le dit parce qu'on se demande. Ça relève probablement plus de la légende urbaine que ouais. d'une vérité scientifique. En tout cas, cet exemple, il fait passer très bien cette idée du nudge, qui est d'obtenir des résultats significatifs à moindre coût. Mm-hmm. Le nudge est ce qu'on appelle, en termes économiques, coût bénéfique. Ouais. Alors, il y a d'autres exemples peut-être plus importants que celui que l'on vient de donner à Chicago pour faire ralentir les automobilistes. Là encore, une petite astuce visuelle a été mise en place. Une petite astuce visuelle qui consistait à dessiner un marquage au sol particulier, des lignes blanches perpendiculaires au marquage classique, de plus en plus resserrées, ce qui donne, lorsqu'on est conducteur et qu'on passe sur ces lignes, que on a l'impression qu'on accélère et ça donne lieu à une illusion visuelle, donc ce qui nous fait automatiquement ralentir. Et dans cette portion de route particulièrement accentogène, les accidents de la route ont été effectivement réduits. Mmh. C'est là encore un exemple de nudge. Comment, par un moyen un peu coûteux, les amendes c'est quelque chose de coûteux, et puis la législation aussi, on obtient des bénéfices, des changements de comportement non négligeables. Alors Déobal, qui nous écoute, vous demande comment mettre la science cognitive au service de la politique française. Est-ce que, il parle des nudges hein, d'ailleurs Déobal, est-ce que les nudges sont beaucoup utilisés dans notre pays? Les nudges ont été très largement utilisés dans les pays anglo-saxons, au Royaume-Uni, aux États-Unis. Barack Obama avait sa propre nudge unit. En France, l'utilisation des nudges a été plus timide jusqu'à l'heure actuelle pour des raisons à la fois culturelles et de tradition dans les politiques publiques. Donc, jusqu'à l'heure actuelle, l'utilisation des nudges en France a été restreinte et je dirais que tout ceci est encore assez balbutiant. On va voir hein, dans la suite de cette émission que des fois ça ne marche pas hein, de vouloir manipuler, des fois on obtient l'effet inverse. Mais si notre rationalité est limitée, pourrions-nous compter sur l'intelligence artificielle pour nous assister et éviter de faire des erreurs quand les décisions sont cruciales? C'est aussi ce que nous allons aborder dans la dernière partie de La Tête au Carré. Puis vous répondrez, Vincent Berthet, aux questions que les auditeurs vous ont envoyées. Say please. You make me wanna something beautiful. Make me wanna fold the map improperly, locked in a stall. Something beautiful. Something beautiful. Something beautiful, c'était William Z. Vilain sur La Tête au Carré, comme vous l'entendez. Et l'erreur est humaine, la preuve aux frontières de la rationalité. Tel est le titre du dernier livre paru chez CNRS Éditions de notre invité Vincent Berthet. Vous nous l'avez expliqué, de nombreux biais cognitifs sont à l'origine d'erreurs, de raisonnements. Notre rationalité est limitée. Et les questions des auditeurs arrivent à ce sujet. Elliot vous demande, Vincent Berthet, quel est l'intérêt, le rôle et la raison de la conservation d'un point de vue de la biologie évolutive des biais cognitifs? Pourquoi tous ces biais cognitifs ont été conservés au cours de l'évolution? Alors, il y a une citation pour répondre à cette question que j'aime beaucoup, que je cite dans le livre, d'un biologiste américain qui s'appelle Edward Wilson, et qui dit « Nous avons des institutions médiévales, des émotions paléolithiques et une technologie divine. » En fait, ce qui apparaît aujourd'hui comme des biais cognitifs était, à l'époque, des avantages. Et la question, en fait, est celle du décalage qui existe entre la façon dont on fonctionne cognitivement et notre environnement. Notre environnement a évolué de façon telle, s'est complexifié, de façon à ce que nos propriétés psychologiques, certaines d'entre elles, apparaissent aujourd'hui comme des biais cognitifs. Mais des propriétés telles que le biais de confirmation, des biais attentionnels, étaient à l'époque des avantages. Léo vous demande, le neuromarketing utilise des systèmes pour influencer l'acte d'achat, odeur, image, son. Où se situe la limite éthique à ne pas franchir entre neuromarketing et marketing classique? Là, on aborde des questions éthiques, hein. Jusqu'où utiliser ces techniques de manipulation en quelque sorte? Alors Léo aborde une question, soulève un point qui est fondamental, qui est celui de l'éthique de l'influence. Dans quelle mesure on peut exploiter nos défaillances de rationalité, nos biais cognitifs à des fins commerciales, à des fins pour servir des intérêts privés. Donc le neuromarketing est un levier pour influencer le comportement des consommateurs et ceci soulève la question de savoir jusqu'où on peut permettre à des acteurs privés d'utiliser ces leviers pour influencer le comportement des consommateurs. On se sent terriblement influençable quand on vous lit parce qu'il y a tout un tas d'expériences, on en a cité quelques-unes, mais ne serait-ce que l'ordre dans lequel on nous pose des questions. Par exemple, si on demande à des gens d'abord êtes-vous heureux dans votre vie et puis ensuite êtes-vous heureux de vos rencontres amoureuses, les réponses à ces questions ne sont pas les mêmes si l'on inverse l'ordre des questions. Et si l'on dit, êtes-vous heureux dans vos rencontres amoureuses en premier, et qu'ensuite on pose la question plus générale du bonheur, êtes-vous heureux? Comment on explique que rien que l'ordre des questions change les réponses? C'est typiquement ce qui différencie un agent rationnel comme l'homo economicus d'un individu humain. Un agent purement rationnel n'est pas influencé par l'ordre des questions, par l'ordre suivant lequel l'information est présentée. Alors qu'un individu réel, dans l'exemple que vous mentionnez, est influencé par l'ordre. C'est ce qu'on appelle les effets d'ordre et plus généralement les effets de cadrage, les effets de framing. Et ces effets, en fait, s'expliquent par des biais tels que le biais de primauté, le fait d'être influencé par l'information qui arrive en premier, ou inversement, le biais de récence, être influencé par l'information qui arrive en dernier. Alors, l'intelligence artificielle pourrait-elle venir au secours de notre irrationalité? Nous sommes entourés de machines, d'ordinateurs toujours plus puissants et complexes. Ces machines sont-elles capables de faire des choix plus rationnels que nous? Alors, la question qui se pose de plus en plus aujourd'hui, c'est celle d'automatiser certaines décisions afin de réduire la part d'erreur humaine dans ces décisions. Ça se passe à la fois en médecine, lorsque par exemple on considère certains diagnostics, et puis ça se passe également par exemple dans le domaine du droit avec ce qu'on appelle la justice prédictive, où on développe aujourd'hui des algorithmes qui analysent la jurisprudence et qui permettent de prédire à partir des faits de l'espèce et du droit applicable la solution qui sera applicable à un litige. Alors, justice et police également, un logiciel pour savoir qui surveiller en priorité est actuellement utilisé pour assister la police de la ville de Chicago. C'est le logiciel SSL. La liste de sujets stratégiques, appelée dans notre jargon SSL, est un système que nous avons développé à Chicago en partenariat avec un professeur de l'Institut de technologie de l'Illinois. Il permet d'évaluer les personnes présentant le plus de risques d'être mêlées à des faits de violence. Ce système fait un classement et nous indique sur quels individus nous devons nous concentrer dans le but d'éviter des violences. Nous avons à notre disposition tellement de données et de caméras de surveillance. Lesquels devons-nous regarder? Et les réseaux sociaux, il en existe tellement. Comment savoir sur quoi se focaliser? Voilà en quoi consiste l'aspect prédictif du système SSL. Alors, on est partagé, Vincent Berthet, lorsque l'on entend ça. C'est un extrait d'un documentaire intitulé « Prédire les crimes » diffusé sur Arte en 2017. À la fois, ça semble efficace, et à la fois, ça fait un peu froid dans le dos, cette idée que les machines, finalement, ont plus de clairvoyance que nous et finissent par un peu nous guider dans nos actions et cibler les personnes à surveiller. Les outils prédictifs sont de plus en plus utilisés. On en a un très bel exemple avec cet outil de police prédictive qui permet d'anticiper, sur la base d'une analyse statistique de données historiques, les individus qui ont le plus de chances de commettre un forfait. Alors la question, une des questions de fond que cela pose, c'est trouver le compromis entre la progression des nouvelles technologies qui permettent de prédire, d'anticiper de plus en plus finement, et d'un autre côté, préserver les droits fondamentaux et les libertés individuelles. Donc, il s'agira pour les autorités publiques, dans les années à venir, de trouver le bon compromis entre les progrès technologiques et la préservation des libertés fondamentales. Est-ce que vous dites, quand même, dans votre livre, que dans de nombreux domaines où, en fait, on a à prendre des décisions récurrentes, prédire la réussite scolaire pour un conseiller d'orientation, diagnostiquer un cancer, décider si un client reviendra, les algorithmes, les machines sont plus efficaces que les experts ou que les professionnels de ces domaines? Cela fait bondir certains experts, cela surprend beaucoup de personnes, mais c'est vrai, c'est très vrai. De nombreux travaux en psychologie cognitive ont montré de façon absolument non ambiguë, sur la base de centaines d'études, que lorsqu'on prend un ensemble de décisions, ça va de la prédiction d'un résultat de match de foot au diagnostic d'une maladie, les algorithmes, les règles formelles sont au moins aussi précises que le jugement humain. Alors comment on fait? Comment on fait pour rester éthique, pour rester humain dans une société où l'on dispose de ces outils aujourd'hui, mais où on n'a pas forcément envie d'être gouverné et commandé par des machines? Voilà, il faut éviter de tomber dans un gouvernement des algorithmes, de tomber dans un excès d'automatisation. Il faut trouver le bon équilibre entre tirer le meilleur parti des algorithmes et de la précision qu'ils nous offrent, et en même temps garder la main sur les décisions les plus essentielles. Il semble aussi intéressant, d'ailleurs vous concluez votre ouvrage là-dessus, nous, citoyens, nous devons prendre conscience de nos biais cognitifs. Est-ce que le fait de les connaître nous prévaut, nous protège de dérives et d'erreurs de raisonnement? Pas forcément. Je vous répondrai de façon très honnête que être conscient de ses biais ne réduit pas significativement l'influence de ses biais, mais au moins cela nous permet à nous prémunir, en tout cas dans certains cas, de certaines tendances et de certaines erreurs qu'on commettrait si on en était moins conscient. On peut aller un peu contre ses faiblesses, donc le fait de les identifier, ça peut aider, même si ça ne sauvegarde pas tout. Ça peut aider, mais ça n'est pas un bouclier parfait. Ouais. Merci Vincent Berthet. Je rappelle le titre de votre ouvrage, L'erreur est humaine. C'est paru chez CNRS Éditions. Juste après les infos, vous avez rendez-vous avec Fabrice Drouel pour une nouvelle diffusion d'Affaires Sensibles. Aujourd'hui, au menu de l'émission de Fabrice, le fantôme du château de Vos.